Deuxième partie, chapitre 5. Jusqu'au commencement de l'hiver, elle fut à peu près fidèle au rendez-vous. Fidèle ? Non, pas exacte. Pendant les 3 premiers mois, elle y vint avec des retards variant entre 3 quarts d'heure et 2 heures. Comme les averses d'automne forçaient Mariol à attendre sous un parapluie, derrière la porte du jardin, les pieds dans la boue, en grelottant. Il fit édifier une sorte de petit kiosque de bois, de vestibule couvert et fermé, derrière cette porte, afin de ne point s'enrhumer à chacune de leurs rencontres. Les arbres ne portaient plus de verdure. À la place des roses et de toutes les autres plantes, s'étalaient maintenant de hautes et larges plates-bandes de chrysanthèmes blancs, roses, violets, pourpres, jaunes, qui répandaient dans l'air humide, chargé de l'odeur mélancolique de la pluie sur les feuilles mortes, leur senteur un peu âcre et balsamique, un peu triste aussi, de grandes fleurs nobles d'arrière-saison. Devant la porte du petit logis, les espèces rares, aux nuances combinées, hypertrophiées par l'art, formaient une grande croix de malte aux tons délicats et changeants. Invention du jardinier, et Mariol ne pouvait plus passer devant cette plate-bande où s'épanouissaient de nouvelles et surprenantes variétés, sans avoir le cœur étreint par la pensée que cette croix fleurie semblait indiquer une tombe. Il les connaissait à présent les longs séjours dans le petit kiosque derrière la porte. La pluie tombait sur le chaume dont il l'avait fait couvrir, puis s'égouttait le long de la cloison de planches. Et à chaque station dans cette chapelle de l'attente, il refaisait les mêmes réflexions, recommençait les mêmes raisonnements, repassait par les mêmes espérances, les mêmes inquiétudes et les mêmes découragements. C'était pour lui une lutte imprévue, incessante, une lutte morale, acharnée, épuisante, avec une chose insaisissable, avec une chose qui peut-être n'existait pas, la tendresse de cœur de cette femme. Comme ils étaient bizarres, leurs rendez-vous. Tantôt elle arrivait rieuse, animée d'envie de causer, et s'asseyait sans ôter son chapeau, sans ôter ses gants, sans lever son voile, sans même l'embrasser. Elle n'y pensait pas souvent ces jours-là à l'embrasser. Elle avait en tête un tas de préoccupations captivantes, plus captivantes que le désir de tendre ses lèvres au baiser d'un amoureux que rongeait une ardeur désespérée. Il s'asseyait à côté d'elle, le cœur et la bouche pleins de paroles brûlantes qui ne sortaient point. Il l'écoutait, il répondait, et tout en paraissant s'intéresser beaucoup à ce qu'elle lui racontait, il essayait parfois de lui prendre une main qu'elle abandonnait sans y songer, amicale et le sang calme. Tantôt, elle paraissait plus tendre, plus à lui, mais lui, qui la regardait avec des yeux inquiets, avec des yeux perspicaces, avec des yeux d'amant impuissant à la conquérir tout entière, comprenait, devinait que cette affectuosité relative tenait à ce que sa pensée n'avait été agitée et détournée par personne et par rien ces jours-là. Ces constants retards, d'ailleurs, prouvaient à Mariol combien peu d'empressement la poussait à ses rencontres. On se hâte vers ce qu'on aime, vers ce qui plaît, vers ce qui attire. Mais on arrive toujours trop tôt à ce qui ne séduit guère, et tout sert de prétexte alors pour ralentir et interrompre la marche, retarder l'heure vaguement pénible. Une singulière comparaison avec lui-même lui revenait sans cesse. Pendant l'été, le désir de l'eau froide lui faisait accélérer sa toilette quotidienne et sa sortie matinale vers la douche, tandis que, pendant les grandes gelées, il trouvait tant de petites choses à faire chez lui avant de partir qu'il arrivait toujours à l'établissement 1 heure plus tard que d'habitude. Les rendez-vous d'Auteuil ressemblaient pour elle à des douches d'hiver. Depuis quelque temps d'ailleurs, elle espaçait souvent ses rendez-vous, les remettait au lendemain, envoyait des dépêches de la dernière heure, semblait à la recherche de prétextes d'impossibilité qu'elle découvrait toujours acceptables, mais qui le jetaient en des agitations morales et dans un énervement physique intolérable. Si elle avait laissé apparaître quelque refroidissement, quelque ennui de cette passion qu'elle voyait, qu'elle sentait toujours s'accroître, il se serait peut-être irrité, puis froissé, puis découragé, puis apaisé. Mais elle se montrait au contraire plus attachée à lui que jamais, plus flattée de son amour, plus désireuse de le conserver, sans y répondre autrement que par des préférences amicales qui commençaient à rendre jaloux tous ses autres admirateurs. Chez elle, elle ne le voyait jamais assez, et le même télégramme qui annonçait à André un empêchement pour Auteuil le priait toujours avec insistance de venir dîner ou passer une heure dans la soirée. Il avait pris d'abord ces invitations-là pour des dédommagements, mais il avait dû comprendre qu'elle aimait beaucoup le voir, plus que tous les autres, qu'elle avait vraiment besoin de lui, de sa parole adoratrice, de son regard amoureux, de son affection enveloppante et proche, de la caresse discrète de sa présence. Elle en avait besoin, comme une idole, pour devenir vrai Dieu, a besoin de prière et de foi. Dans la chapelle vide, elle n'est qu'un bois sculpté. Mais si seulement un croyant entre dans le sanctuaire, adore, implore, prosterné et gémit de ferveur, ivre de sa religion, elle devient l'égale de Brahma, d'Allah ou de Jésus, car tout être aimé est une espèce de Dieu. Plus qu'aucune, Madame de Burne se sentait née pour le rôle de fétiche, pour cette mission donnée aux femmes par la nature d'être adorées et poursuivies, de triompher des hommes par la beauté, la grâce, le charme et la coquetterie. Elle était bien cette sorte de déesse humaine, délicate, dédaigneuse, exigeante et hautaine, que le culte amoureux des mâles enorgueillit et divinise comme un encens. Cependant, son affection pour Mariole et sa vive prédilection, elle les lui témoignait presque ouvertement, sans souci du qu'en dira-t-on, et peut-être avec le secret désir d'exaspérer et d'enflammer les autres. On ne pouvait plus guère venir chez elle sans l'y trouver, installée presque toujours dans un grand fauteuil que la Marthe appelait la stalle du desservant. Et elle ressentait un sincère plaisir à demeurer seule avec lui pendant des soirées entières, causant et l'écoutant parler. Elle prenait goût à cette vie intime qu'il lui révélait, à ce contact incessant avec un esprit agréable, éclairé, instruit, et qui lui appartenait, dont elle était aussi bien la maîtresse que des petits bibelots qui traînaient sur sa table. Elle lui abandonnait également peu à peu beaucoup d'elle-même, de sa pensée, de sa secrète personne, en ces confidences affectueuses qui sont aussi douces à faire qu'à recevoir. Elle se sentait avec lui plus libre, plus sincère, plus découverte, plus familière qu'avec les autres, et l'en aimait davantage. Elle éprouvait aussi cette impression chère aux femmes de donner vraiment quelque chose, de confier à quelqu'un tout le disponible d'elle, ce qu'elle n'avait jamais fait. Pour elle, c'était beaucoup, mais pour lui, c'était peu. Il attendait, il espérait toujours la grande débâcle définitive de l'être qui livre son âme dans ses caresses. Les caresses, elle semblait les considérer comme inutiles, gênantes, plutôt pénibles. Elle s'y soumettait, non pas insensible, mais vite lassée. Et cette lassitude, sans doute, éveillait en elle de l'ennui. Les plus légères, les plus insignifiantes, semblaient même la fatiguer et l'énerver. Quand, tout en causant, il s'emparait d'une de ses mains pour baiser ses doigts, qu'il gardait un peu l'un après l'autre entre ses lèvres, les attirant par une petite aspiration, comme des bonbons, elle semblait toujours désireuse de les ôter de là, et dans tout son bras, il sentait un effort secret de retraite. Quand, à la fin de ses visites, il déposait sur son cou, entre le col de la robe et les cheveux d'or de la nuque, un long baiser qui cherchait l'arôme de son corps sous les plis des étoffes adhérentes à la chair, elle avait toujours un léger mouvement en arrière, puis une imperceptible fuite de sa peau sous cette bouche étrangère. Il percevait cela comme des coups de couteau, et il s'en allait avec des plaies qui saignaient sans cesse dans la solitude de sa tendresse. Comment n'avait-elle pas eu au moins cette période d'entraînement qui succède chez presque toutes les femmes à l'abandon volontaire et désintéressé de leur corps? Elle est courte souvent, suivie par la fatigue et puis par le dégoût, mais il est si rare qu'elle n'existe pas du tout, pas une heure, pas un jour. Cette maîtresse avait fait de lui non pas un amant, mais une sorte d'associé intelligent de sa vie. De quoi se plaignait-il? Celle qui se donne tout entière ne donne pas tant, peut-être. Il ne se plaignait pas. Il avait peur. Il avait peur de l'autre, de celui qui viendrait tout à coup, rencontré demain ou après-demain, quelconque, artiste, mondain, officier, cabotin, n'importe qui, né pour plaire à ses yeux de femme, et qui plairait sans autre raison, parce qu'il était celui-là, celui qui ferait pénétrer pour la première fois en elle l'impérieuse envie d'ouvrir les bras. Il était déjà jaloux de l'avenir, comme il avait été, par moments, jaloux du passé inconnu. Et tous les intimes de la jeune femme commençaient à devenir jaloux de lui. Ils en jasaient entre eux et faisaient même devant elle de très discrètes et obscures allusions. Pour les uns, il était son amant. Les autres, suivant l'opinion de la Marthe, prétendaient qu'elle s'amusait, comme toujours, à l'affoler, lui, pour les énerver et les exaspérer, eux, et rien de plus. Son père s'émut et lui fit des observations qu'elle reçut avec hauteur, et plus elle voyait la rumeur croître autour d'elle, plus elle s'obstina à témoigner ouvertement ses préférences à Mariole, par une bizarre contradiction avec toute la prudence de sa vie. Mais lui s'inquiétait un peu de ses mesures de suspicion. Il lui en parla. « Que m'importe ? » dit-elle. « Au moins, si vous m'aimiez d'amour. Est-ce que je ne vous aime pas, mon ami ? » ?»« Oui et non, vous m'aimez bien chez vous, et mal ailleurs. Je préférerais le contraire pour moi. » Et même aussi pour vous. » Elle se mit à rire en murmurant « On fait ce qu'on peut !» Il reprit « Si vous saviez dans quelle agitation me jettent les efforts que je tente pour vous animer, j'ai l'impression tantôt de vouloir enlacer de l'insaisissable, tantôt d'étreindre de la glace qui me gèle en fondant dans mes bras. » Elle ne répondit point, n'aimant guère ce sujet, et elle prit cet air distrait qu'elle avait souvent à Auteuil. Il n'osa pas insister. Il la regardait comme on regarde les objets précieux des musées qui tentent si fort les amateurs et qu'on ne peut pas emporter chez soi. Ses jours, ses nuits, n'avaient plus pour lui que des heures de souffrance, car il vivait avec cette idée fixe, encore plus avec le sentiment qu'avec l'idée qu'elle était à lui sans être à lui, conquise et libre, prise et imprenable. Il vivait autour d'elle, tout près d'elle, sans arriver jusqu'à elle. Et il l'aimait avec toutes les convoitises non rassasiées de son âme et de son corps. Comme il avait fait au début de leur liaison, il se remit à lui écrire. Une fois, il avait vaincu avec de l'encre la première défense de sa vertu. Avec de l'encre, il pourrait peut-être emporter encore cette dernière intime et secrète résistance. Espaçant un peu ses visites, il lui répéta en des lettres presque quotidiennes l'inanité de son effort d'amour. De temps en temps, quand il avait été fort éloquent, passionné, douloureux, elle lui répondait. Ses lettres à elle, datées par chic de minuit, 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin, était claire, nette, bien pensée, dévouée, encourageante et désolante. Elle y raisonnait fort bien, y mettait de l'esprit, même de la fantaisie. Mais il avait beau les relire, il avait beau les trouver justes, intelligentes, bien tournées, gracieuses, satisfaisantes pour sa vanité d'homme, elle ne contentait pas son cœur. Elle ne le contentait pas plus que les baisers donnés dans la maison d'Auteuil. Il cherchait pourquoi. Et à force de les apprendre par cœur, il finit par les si bien connaître qu'il en trouva la raison. Car c'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens. La parole éblouit et trompe, parce qu'elle est mimée par le visage, parce qu'on la voit sortir des lèvres, et que les lèvres plaisent, et que les yeux séduisent. Mais les mots noirs sur le papier blanc, c'est l'âme toute nue. L'homme, par des artifices de rhétorique, par des habiletés professionnelles, par l'habileté d'employer la plume pour traiter toutes les affaires de la vie, parvient souvent à déguiser sa nature propre dans sa prose impersonnelle, utilitaire ou littéraire. Mais la femme n'écrit guère que pour parler d'elle, et elle met un peu d'elle en chaque mot. Elle ne sait point les ruses du style, et elle se livre tout entière dans l'innocence des expressions. Il se rappela les correspondances et les mémoires des femmes célèbres qu'il avait lues. Comme elles apparaissaient nettement, les précieuses, les spirituelles et les sensibles. Ce qui le frappait le plus dans les lettres de Madame de Burne, c'est qu'aucune sensibilité ne s'y révélait jamais. Cette femme pensait et ne sentait pas. Il se rappela d'autres lettres. Il en avait reçu beaucoup. Une petite bourgeoise, rencontrée en voyage et qu'il aima 3 mois, lui avait écrit des billets délicieux et vibrants, pleins de trouvailles et d'imprévus. Il s'était même étonné de la souplesse, de l'élégance colorée et de la variété de sa phrase. D'où lui venait ce don? De ce qu'elle était très sensible, pas autre chose. La femme ne travaille point ses termes, c'est l'émotion directe qui les jette à son esprit. Elle ne fouille pas les dictionnaires. Quand elle sent très fort, elle exprime très juste, sans peine et sans recherche, dans la sincérité mobile de sa nature. C'est la sincérité de la nature de sa maîtresse qu'il s'efforçait de pénétrer à travers les lignes qu'elle lui écrivait. C'était aimable et fin. Mais comment ne trouvait-elle pas autre chose pour lui? Ah, il en avait trouvé pour elle des mots vrais et brûlants comme des charbons, lui. Quand son valet de chambre apportait son courrier, il cherchait d'un coup d'œil l'écriture désirée sur une enveloppe. Et lorsqu'il l'avait reconnue, une involontaire émotion surgissait en lui, suivie par un battement de cœur. Il avançait la main et prenait le papier. De nouveau, il regardait l'adresse, puis déchirait. Qu'allait-elle lui dire? Le mot « aimer » y serait-il? Jamais elle ne l'avait écrit, jamais elle ne l'avait prononcé sans le faire suivre du mot « bien ». Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup. Est-ce que je ne vous aime pas? Il les connaissait, ces formules qui ne disent rien parce qu'elles ajoutent. Peut-il exister des proportions quand on subit l'amour? Peut-on juger si on aime bien ou mal? Aimer beaucoup comme c'est aimer peu. On aime, rien de plus, rien de moins. On ne peut pas compléter cela. On ne peut rien imaginer, on ne peut rien dire au-delà de ce mot. Il est court, il est tout. Il devient le corps, l'âme, la vie, l'être entier. On le sent comme la chaleur du sang, on le respire comme l'air, on le porte en soi comme la pensée, car il se fait l'unique pensée. Rien n'existe plus que lui. Ce n'est pas un mot, c'est un inexprimable état figuré par quelques lettres. Quoi qu'on fasse, on ne fait rien, on ne voit rien, on n'éprouve rien, on ne goûte rien, on ne souffre de rien comme avant. Mariol était devenue la proie de ce petit verbe, et son œil courait sur les lignes, y cherchant la révélation d'une tendresse pareille à la sienne. Il y trouvait en effet de quoi se dire « Elle m'aime bien !» Jamais de quoi s'écrier « Elle m'aime !» Elle continuait dans sa correspondance le joli et poétique roman commencé au Mont-Saint-Michel. C'était de la littérature d'amour, pas de l'amour. Quand il avait fini de lire et de relire, Il enfermait dans un tiroir ses papiers chéris et désespérants, et il s'asseyait dans son fauteuil. Il y avait déjà passé des heures bien dures. Au bout de quelque temps, elle répondit moins, un peu fatiguée sans doute de faire des phrases et de redire les mêmes choses. Elle traversait d'ailleurs une période d'agitation mondaine, qu'André avait senti venir avec ce surcroît de souffrance qu'apportent au cœur en peine les plus petits incidents désagréables. C'était un hiver à fête. Une griserie de plaisir avait envahi Paris, secoué la ville, où les fiacres et les coupés roulaient tout le long des nuits, voiturant à travers les rues, derrière leurs glaces relevées, des apparitions blanches de femmes en toilette. On s'amusait, on ne parlait que de comédies et de bals, de matinées et de soirées. La contagion, comme une épidémie de divertissement, avait gagné subitement toutes les classes de la société, et Madame de Burne aussi en fut atteinte. Cela commença par un succès de beauté qu'elle obtint au ballet dansé à l'ambassade d'Autriche. Le comte de Bernos avait établi des relations entre elle et l'ambassadrice, la princesse de Maltaine, que Madame de Burne séduisit tout à coup et tout à fait. Elle devint donc en peu de temps une amie intime de la princesse, et par là, elle étendit ses relations avec une grande rapidité dans le monde diplomatique et dans l'aristocratie la plus choisie. Sa grâce, sa séduction, son élégance, son intelligence, son esprit rare la firent triompher bien vite, la mirent à la mode, au premier rang, et les femmes les plus titrées de France se firent présenter chez elle. Tous les lundis, une file de coupés armoriés stationna le long des trottoirs de la rue du Général Foy, et les domestiques perdaient la tête, confondaient les duchesses avec les marquises, les comtesses avec les baronnes, en jetant les grands noms sonores à la porte des salons. Elle en fut enivrée. Les compliments, les invitations, les hommages, le sentiment d'être devenue une de ses préférées, une de ces élues que Paris acclame, adule, adore tant que dure son entraînement, la joie d'être ainsi choyée, admirée, d'être appelée, attirée, recherchée partout, firent éclater dans son âme une crise aiguë de snobisme. Son clan artiste essaya de lutter, et cette révolution amena une alliance intime entre ses anciens amis. Fresnel lui-même fut accepté par eux, enrégimenté, devint une force dans cette ligue, et Mariolle en fut la tête, car on n'ignorait pas son ascendant sur elle et l'amitié qu'elle avait pour lui. Mais lui la regardait s'envoler dans cette popularité flatteuse et mondaine, comme un enfant regarde disparaître son ballon rouge dont il a lâché le fil. Il lui semblait qu'elle fuyait au milieu d'une foule élégante, bariolée, dansante, loin, bien loin de ce puissant bonheur secret qu'il avait tant espéré. Et il fut jaloux de tout le monde et de tout, des hommes, des femmes et des choses. Il détesta toute la vie qu'elle menait, tous les gens qu'elle voyait, toutes les fêtes où elle allait, les bals, les musiques, les théâtres, car tout cela la prenait par parcelles, absorbait ses jours et ses soirs. Et leur intimité n'avait plus que de rares heures de liberté. À force de souffrir de cette féroce rancune, il faillit tomber malade. Et il apportait chez elle une figure si ravagée qu'elle lui demanda « Qu'avez-vous donc ? Vous changez et vous maigrissez beaucoup en ce moment. » J'ai que je vous aime trop, dit-il. Elle lui jeta un regard reconnaissant. On n'aime jamais trop, mon ami. C'est vous qui dites cela. Mais oui. Et vous ne comprenez pas que je meurs de vous aimer vainement. D'abord, vous ne m'aimez pas vainement. Et puis, on ne meurt pas de ça. Enfin, tous nos amis sont jaloux de vous, ce qui prouve que je ne vous traite pas trop mal, en somme. Il prit sa main. « Vous ne me comprenez pas. »« Si, je vous comprends très bien. » Vous entendez l'appel désespéré que je jette incessamment à votre cœur ? Oui, je l'entends. Et cela me fait beaucoup de peine, parce que je vous aime énormément. Alors vous me criez, soyez pareil à moi, pensez, sentez, exprimez comme moi. Mais je ne peux pas, mon pauvre ami. Je suis ce que je suis. Il faut m'accepter tel que Dieu m'a faite, puisque je me suis donnée ainsi à vous, que je ne le regrette pas, que je n'ai pas envie de me reprendre, que vous m'êtes le plus cher de tous les êtres que je connais. Vous ne m'aimez pas. Je vous aime avec toute la force d'aimer qui se trouve en moi. Et si elle n'est pas différente ou plus grande, est-ce ma faute ? Si j'étais sûre de cela, je m'en contenterais peut-être. Qu'entendez-vous par ces mots ? J'entends que je vous crois capable d'aimer autrement, mais que je ne me crois plus capable, moi, de vous inspirer un véritable amour. Non, mon ami, vous vous trompez. Vous êtes pour moi plus que personne n'a jamais été, et plus que personne ne sera jamais. Je le pense du moins absolument. J'ai avec vous ce grand mérite de ne pas mentir, de ne pas simuler ce que vous désirez, alors que bien des femmes agiraient d'autre façon. Sachez mon gré, ne vous agitez pas, ne vous énervez point. Ayez confiance en mon affection, qui vous est acquise entière et sincère. Il murmura, comprenant combien ils étaient loin l'un de l'autre. Oh, quelle bizarre manière de comprendre l'amour et d'en parler. Je suis pour vous quelqu'un que vous désirez, en effet, avoir souvent sur une chaise, à votre côté. Mais pour moi, vous emplissez le monde. Je n'y connais que vous, je n'y sens que vous, je n'y ai besoin que de vous. Elle eut un sourire bienveillant et répondit. Je le sais, je le devine, je le comprends. J'en suis ravie et vous dis, aimez-moi toujours autant, si c'est possible, car cela m'est un vrai bonheur. Mais ne me forcez pas à vous jouer une comédie qui me ferait de la peine, qui ne serait pas digne de nous. Depuis quelque temps, je sentais venir cette crise. Elle m'est très cruelle, parce que je vous suis profondément attachée. Mais je ne puis plier ma nature jusqu'à la rendre semblable à la vôtre. Prenez-moi comme je suis. » Il demanda tout à coup, « Avez-vous pensé, avez-vous cru, rien qu'un jour, rien qu'une heure, soit avant, soit après, que vous pourriez m'aimer autrement ?» Elle fut embarrassée pour répondre et réfléchit quelques instants. Il attendait avec angoisse et reprit, « Vous voyez bien que vous avez aussi rêvé autre chose. » Elle murmura lentement, « J'ai pu me tromper un instant sur moi-même. » Il s'écria, « Oh, que de finesse et de psychologie! On ne raisonne pas ainsi les élans du cœur !» Elle songeait encore, intéressée par sa propre pensée, par cette recherche, par ce retour sur elle, et elle ajouta, « Avant de vous aimer comme je vous aime, j'ai pu croire un moment, en effet, que j'aurais pour vous plus d'emballement. Mais alors, j'aurais été certainement moins simple, moins franche, peut-être moins sincère plus tard. » Pourquoi moins sincère plus tard ? Parce que vous enfermez l'amour dans cette formule « tout ou rien ». Et ce « tout ou rien » signifie, à mon sens, « tout d'abord, puis rien ensuite ». C'est quand le rien commence que la femme se met à mentir. Il répliqua très énervé, « Mais vous ne comprenez pas ma misère et la torture de penser que vous auriez pu m'aimer autrement. Vous l'avez senti, donc c'est un autre que vous aimerez ainsi. » Elle répondit sans hésiter, « Je ne crois pas. » « Et pourquoi ? Oui, pourquoi ? Du moment que vous avez eu le pressentiment de l'amour, que vous avez été effleuré par le soupçon de cet irréalisable et torturant espoir de mêler sa vie, son âme et sa chair avec celle d'un autre, de disparaître en lui et de le prendre en soi, que vous avez senti la possibilité de cette inexprimable émotion, vous subirez cela un jour ou l'autre. » Non, c'est mon imagination qui m'a trompée et qui s'est trompée sur moi. Je vous donne tout ce que je peux donner. J'y ai beaucoup réfléchi depuis que je suis votre maîtresse. Remarquez que je n'ai peur de rien, pas même des mots. Vraiment, je suis tout à fait convaincue que je ne peux pas aimer davantage, ni mieux que je ne le fais en ce moment. Vous voyez que je vous parle comme je me parle à moi-même. Je fais cela parce que vous êtes très intelligent, que vous comprenez tout, que vous pénétrez tout, et que ne rien vous cacher est le meilleur, le seul moyen de nous lier étroitement et pour longtemps. Voilà ce que j'espère, mon ami. Il l'écoutait comme on boit quand on meurt de soif. Et il tomba à genoux, le front sur sa robe. Il tenait les deux petites mains sous sa bouche en répétant « Merci, merci ». Quand il eut relevé la tête pour la contempler, elle avait deux larmes dans les yeux. Puis, croisant à son tour ses bras sur le cou d'André, elle l'attira doucement, se pencha et le baisa sur les paupières. « Asseyez-vous, » dit-elle. « Ce n'est pas très prudent de vous agenouiller ici devant moi. » Il s'assit. Et après un silence de quelques instants pendant lequel ils se regardèrent, elle lui demanda s'il voulait la conduire un jour ou l'autre à l'exposition du sculpteur Prédolé, dont on lui parlait avec enthousiasme. Elle avait de lui, dans son cabinet de toilette, un amour de bronze, figurine charmante qui versait l'eau dans la baignoire, et elle désirait voir, assemblée dans la galerie Varin, l'œuvre complète de ce délicieux artiste qui, depuis 8 jours, passionnait Paris. Ils prirent date, puis Mariol se leva pour se retirer. « Voulez-vous venir demain à Auteuil ? » dit-elle tout bas. « Oh, je crois bien !» Et il s'en alla étourdi de joie, enivré de ce « peut-être » qui ne meurt jamais dans les cœurs épris.